Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Nicolas Fesquet. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF qui est une coopérative bancaire éthique depuis 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne et que grâce à cette collecte, la NEF elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est carrément la banque des 2030 Glorieuses et sa particularité c'est en plus d'être 100% transparente puisque c'est le seul établissement bancaire en France à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise chaque année. Bon, on en reparlera avec toi d'ailleurs Nicolas, mais pour moi c'était important de vous le dire. On retrouve d'ailleurs dans sa liste le nom du projet, le montant du prêt, une description pour comprendre son impact positif. Vous pourrez trouver Nicolas et le livre vert si vous faites la recherche. Et elle a aussi, la NEF, réalisé une cartographie sur laquelle on peut voir dans toute la France les projets financés. Ça aussi, c'est un bon moyen si ça vous intéresse de mettre plus de sens dans votre quotidien, d'aller trouver les projets à côté de chez vous. Moi je trouve en tout cas que c'est carrément les 2030 glorieuses en avance. Et je suis fier d'être soutenu dans cette initiative, dans ce podcast par la NEF. Aujourd'hui, je suis heureux de te donner la parole, Nicolas. Nicolas, toi, tu es cofondateur du Livre Vert. C'est une entreprise d'insertion par l'activité économique qui est située à Bordeaux. Tu es spécialiste de la deuxième vie du livre. Ensemble, nous parlerons de la place de la culture dans nos vies, d'entreprises écologiques et solidaires et de pourquoi nous devons redonner de la valeur aux choses qui comptent vraiment dans nos vies. Pour commencer cet échange, Nicolas, je te pose la même question que je pose à tous mes invités au début de l'échange. Qu'est-ce que tu réponds? Imagine, tu es dans un événement où il y a des inconnus autour de toi, arrive la question fatidique tout de suite. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi en général? Je fais au mieux. J'essaye de faire au mieux. Je fais ce que je peux également. Et j'essaie de faire ce que je veux aussi. Faire au mieux, c'est important. C'est faire avec du sens ou avec disons le sens qui nous importe plus précisément effectivement comme tu le disais je suis cofondateur du Livre Vert et l'enjeu pour nous avec Vera qui est la cofondatrice c'était donc c'est toujours d'actualité, la mise en place d'un nouveau modèle économique et social dédié aux activités de la deuxième vie du livre. Donc tu te présentes tout de suite en parlant de ton métier, tu te dis que tu es un entrepreneur écologique et solidaire, parce que j'ai bien aimé ta première présentation, la première partie de ta présentation, en tout cas tu dis tu fais au mieux, tu fais ce que tu veux, est-ce que tu essayes de sortir aussi de cette casquette un peu là, comme si on était tous fichés LinkedIn et que c'était la première chose qu'on devait dire quand on se présente à un inconnu, est-ce que tu peux continuer à creuser un peu sur cette réponse que tu as commencé à me donner? Alors je n'ai pas de compte LinkedIn. Ah mince, mauvais exemple pour moi, pardon. Je n'en ai pas. Non, je suis père de famille. Je suis époux. On est bien évidemment plein de choses. On est aussi ce que l'on fait également la journée. Hein, on est également notre métier. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas que cela. Donc après, c'est la, Alors là, la question de l'entrepreneur, c'est... Alors, j'aime à dire que je n'embauche jamais parce que je ne débauche jamais. Hein. C'est vrai qu'on est tout le temps sur le pont. Hein. Le livre vert est un projet au long cours qui est là tout le temps, qu'il est difficile de couper. Mais bien heureusement, la vie de famille nous permet de nous évader un petit peu et de sortir donc de cette mission presque portée par le livre vert. J'imagine qu'on, et d'ailleurs peut-être que tu vas me dire que je me trompe, mais on ne naît pas en se disant tiens, je vais fonder mon entreprise de revalorisation du livre, et j'imagine qu'on ne rentre pas dans les études en suivant une filière de revalorisation du livre. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi toi tu t'es lancé avec Vérad dans ce secteur précis, s'il te plaît? Alors tu as tout à fait raison, pas de déterminisme, hein. Je pense qu'on chemine tous, hein. On est différent à 30 ans qu'à 20 ans. Forcément, on grandit, on chemine et bien évidemment, les projets, on change également et parfois les envies, là notamment là pour le livre vert, l'envie de passer à l'action. J'ai longtemps été dans le discours. Donc le discours est très important, hein, bien évidemment. Mais à un certain moment de ma vie, le fait de dire ou de professer ne me contentait plus. Et je voulais justement doter le discours de l'action, d'où le livre vert, que la volonté d'agir. D'agir sur le réel, sur le quotidien, d'avoir d'autres impacts. On entend dans le livre vert les deux vertus à ce projet, hein, culturel et écologique. Vous avez lancé ce projet en 2013, tu le disais, avec Vera. Votre mission, c'est de collecter, trier, revendre, donner, recycler les livres dont les particuliers, les entreprises et les collectivités n'ont plus l'usage. Est-ce que tu peux, là, en l'espace de quelques secondes, peut-être minutes, me donner un peu des chiffres précis pour illustrer le travail que vous avez fait au cours des 10 dernières années et des enjeux que ça représente au niveau sociétal? Alors, je vais d'abord te corriger. Avant tout, c'est un projet social. Et en fait, le livre, pour nous, n'est qu'un prétexte. L'un des enjeux, c'était de générer du flux de livres, de récupérer des livres. Alors on en récupère auprès de particuliers, de bibliothèques, d'entreprises, en déchetterie aussi, et donc de générer un flux amont qui était prétexte à l'activité. Parce que notre objet social au livre vert est celui-ci, c'est bien l'insertion par l'activité économique. On dédie en fait toute une série de métiers à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, ça peut être une maman isolée également qui n'a pas eu d'emploi depuis un petit moment. Donc pour nous, l'objectif premier, c'est sécuriser par l'emploi des personnes qui n'en ont pas. On a eu dans le podcast 2030 Glorieuse déjà d'autres initiatives assez similaires qui faisaient ce travail. Je pense notamment à la Brocante Vert qui est à Nantes, et eux, ils font ce travail-là par les plantes qu'ils revalorisent avec le dispositif Premières Heures qui a été d'abord développé à Paris et qui existe maintenant à Nantes. Donc ça me parle bien tout ce que tu me dis, Nicolas. Oui, avec des vraies particularités, hein. On a au Livre Vert une dimension territoriale très forte. Le Livre Vert n'a pas vocation à aller récupérer des livres trop loin. Un autre enjeu, c'est de faire connecter, de faire coïncider, je dirais plutôt, le gisement aux impacts. Donc les livres collectés, là plus spécifiquement en Gironde, impactent socialement donc la Gironde. Ça nous semble cohérent. Ça participe à une vision un peu girondine, de la chose. Donc c'est un modèle très territorialisé. Donc vous collectez les livres, on le disait, auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités. C'est très géolocalisé, tu viens de le dire. Ça permet d'avoir un flux qui donne un métier stable et décent à des personnes qui en sont éloignées. Et puis ensuite, ces livres, ils se retrouvent directement sur votre plateforme internet et ils peuvent être rachetés par tout à chacun. C'est aussi simple que ça? Alors la chaîne est longue, hein. La chaîne est longue. C'est bien pour ça que je pose la question, je me doute qu'il y a des trous dans ma raquette là. Le livre vert, c'est beaucoup de choses, hein. C'est un service de collecte, donc avec des collecteurs, c'est un centre de tri, donc avec des trieurs, donc c'est un service informatique, bien évidemment, avec des opérateurs, c'est une aire de stockage avec une dimension logistique, c'est un service d'expédition. C'est un service après-vente, c'est également du développement informatique. Et en fait, on fait beaucoup de choses au livre vert. C'est de la concentration verticale, hein, si tu veux, on fait tout. On fait tout parce que l'enjeu, c'est d'être le plus nombreux possible aussi. Et ça nous a permis, en fait, de diversifier l'offre de métier dédiée à l'insertion. Ça fait combien de personnes dans cette entreprise-là? Alors, aujourd'hui, on est entre 20 et 25, mais l'enjeu d'un... Alors, je ne sais pas si tu es familier avec les structures de l'insertion par activité économique. Nous sommes là pour sécuriser par l'emploi. Et en fait, il y a un travail d'accompagnement social et professionnel qui s'opère sur le temps de travail. Et l'enjeu, c'est de lever donc des freins sociaux pour ensuite préparer une sortie vers une formation, vers un emploi pérenne. Les emplois en insertion, nos collaborateurs en insertion sont là que de passage, que pour une période déterminée, qui ne peut pas excéder 2 ans. Donc en fait, c'est une petite mécanique qui permet donc à des personnes qui doivent être ou qui souhaitent être sécurisées par l'emploi, donc de passer par le livre vert. On avait donné la parole aussi à une personne de Carton Plein à Paris qui faisait ce travail d'insertion par l'emploi. Donc c'est une thématique, et je suis content, qui revient souvent parce que effectivement, en général, on a tendance à dissocier l'impact écologique de l'impact social, alors qu'en l'occurrence, souvent, les initiatives qui passent dans les 2030 Glorieuses, elles combinent très naturellement les deux. Et donc je suis content que tu nous parles de ça. Donc le livre vert, mais en fait, vous faites aussi vinyle, CD, DVD, jeux de société d'occasion, si je dis pas de bêtises. Vous avez cette vertu sociale qu'on comprend bien, d'accompagnement, de stabilité, tu le dis très bien. Est-ce que j'imagine que sur le côté écologique, vous parlez en tonnes de produits sauvés, revendus, remis sur le marché? Comment vous exprimez votre impact écologique? Alors effectivement, hein, la tonne est un bon indicateur. Hein. Donc ce sont plus de 40 tonnes de livres collectées tous les mois. Donc c'est beaucoup. 40 tonnes de livres 40 tonnes oui, c'est vous collectez que des encyclopédies et des dictionnaires, c'est ça? Mais il y en a beaucoup, et effectivement, hein, on a fait le choix au livre vert d'être dans une approche systémique. Tous les livres nous intéressent parce que une deuxième vie est possible pour tous les supports papier, hein, et dans le pire des cas, c'est le recyclage, bon, la réincarnation, pour le dire autrement, ce qui n'est pas plus mal en fait de recanaliser dans le pire des cas donc ces supports papier qui dorment dans les chaînes de recyclage. Bien évidemment, avant tout, alors nous ne sommes pas des recycleurs, hein, nous sommes des réemployeurs. C'est important pour nous de faire réutiliser le livre pour ce qu'il est. Parce qu'on est parti du principe, je pense que tu seras sans doute d'accord avec nous, que le livre n'est pas forcément un objet à usage unique, qui peut être utilisé plein de fois. Alors bien évidemment, il y a des livres dont il ne faut jamais se séparer. Hein. On a tous nos maîtres à penser qu'on aime garder près de nous tout le temps dans notre bibliothèque, et il faut les garder. Il y a d'autres livres dont on peut se séparer plus facilement, et c'est cela qui nous intéresse, les livres dont les lecteurs n'ont plus l'usage. Et la diversité du lecteur se retrouve dans le stock du livre vert. Hein. Aujourd'hui, le livre vert, c'est les 450 000 livres en stock, donc disponible à la vente, parce qu'effectivement, le livre vert se finance par la revente de ces livres glanés à droite, à gauche, et à ceux qui veulent bien s'en défaire. Moi qui pensais, tu vois, Nicolas, je suis en train de t'interviewer en regardant l'une des bibliothèques que j'ai chez moi, puisque j'en ai dans différents endroits. Mais je me disais que j'avais une belle collection et souvent on me dit « Ah, mais t'as beaucoup de livres chez toi ». En fait, je me rends compte que je suis un petit joueur parce que toi, t'as une collection de 450 000 livres, en fait. Alors, ce n'est pas la mienne. ce n'est pas la mienne. Mais alors... Après, il faut se déculpabiliser. Hein. Il faut garder des livres à la maison, bien évidemment. Après, ce qui est intéressant, c'est que on se retrouve à être en fait le catalyseur de la volonté collective, d'une volonté collective d'agir concrètement, localement. Les particuliers qui donnent des livres au Livre Vert, pour la plupart, savent pertinemment ce que l'on fait. Et certains nous donnent régulièrement les livres qu'ils viennent de lire. Et c'est assez, je trouve ça assez intéressant d'être comme ça, cette caisse de résonance d'une volonté collective de vouloir agir ensemble et localement. Je t'ai interrompu, Nicolas, tout à l'heure, tu me disais 40 tonnes de livres recyclés. Est-ce que tu as quelques autres chiffres là, comme ça, pour marquer le coup une bonne fois pour toutes? Et après, on passe à autre chose, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas que parler de tonnes, mais peut-être que tu peux nous donner d'autres éléments pour qu'on se rende bien compte de ce qu'on peut faire sur un seul et même territoire. Oui, c'est une quinzaine de milliers de livres vendus tous les mois. C'est un chiffre qui ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. 40 tonnes, ouais, non, mais les chiffres sont pas mal, et près d'une centaine de collaborateurs hein, qui sont passés par le Livre Vert. Et là, on est pas peu fiers avec de très belles sorties, parce que l'enjeu, c'est d'être simplement une page dans la vie d'un individu qui, à un moment donné, se retrouve en difficulté pour trouver un emploi. Et sans personne, on se dit, c'est pas si mal. C'est même carrément chouette. Et surtout à l'échelle locale. Ouais, bravo. Et on souhaite continuer. Tant qu'il y a à faire, nous ferons. C'est fou ce qu'on peut faire par amour pour le livre. Et puis, c'est fou la puissance du livre. Hein, parce que, comme tu le dis, il y a des gens qui agissent à travers le don du livre. Il y a des personnes qui, du coup, sont revalorisées et qui remettent le pied à l'étrier grâce au livre. Et puis, raconte-moi peut-être ce qui est un peu moins quantifiable, mais toutes ces pépites que vous avez collectées au gré des années, parce qu'en fait, découvrir un livre, c'est un plaisir, ça s'échange presque sous le manteau, ou ça s'offre comme un remède à la morosité ambiante. J'imagine que vous avez eu plein d'événements, plein d'exemples, plein de témoignages de tout ce que votre travail a provoqué comme lueur dans le monde, non? Alors, effectivement, le livre, c'est un objet quand même particulier, hein. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on pense que c'est pas un objet à usage unique. Et ce qui est intéressant, c'est que les collaborateurs au Livre Vert touchent du livre toute la journée. Et il ne faut pas croire que tout le monde est un amoureux du livre. Hein, c'est faux. Hein, le livre peut être anxiogène hein, pour certaines personnes. Hein, je pense à ceux qui ont eu parfois des parcours scolaires un peu difficiles. Le livre peut être anxiogène, mais néanmoins, au Livre Vert, on manipule du livre tous les jours et tout le monde. Et il faut l'avouer, hein, c'est un objet magique. Hein, plus on en touche, mieux on se porte. Toi, tu te retrouves encore à te surprendre à voir passer des livres en mettant un de côté, en disant « Allez, celui-là, je ne l'ai pas lu, celui-là, je l'attendais depuis longtemps ?» Je suis devenu, à mon grand regret, insensible effectivement. Et il faut comprendre que le livre n'est qu'un prétexte, hein, à vrai dire. Hein. Et mais une première édition d'une BD que t'adorais quand t'étais enfant, une version avec une dédicace un peu mignonne, non? Je sais pas. Moi, j'avoue que à chaque fois qu'il y a des livres anciens, je peux pas m'empêcher de regarder et d'y passer un temps fou. C'est maladif. Hein. Alors effectivement, parfois tu as des objets. Waouh, effectivement. Il m'est arrivé effectivement de retrouver des livres que j'avais enfant et dont j'avais oublié l'existence. Et là, effectivement, c'est étrange. il était sorti de ma mémoire et il est revenu directement. Et donc là, bien évidemment, on le feuillette, on relit la quatrième de couverture. C'est arrivé. Après, oui, effectivement, il y a parfois des livres dédicacés. D'un Gainsbourg, étonnamment, sur un livre, une dédicace de Truffaut. Il y a parfois, effectivement, des pépites, on va dire, hein, des pépites dans la tourbe, au milieu de ces 40 tonnes de livres. Mais elles sont rares, mais elles existent, effectivement. Après, le livre a beaucoup de fonctions, hein, on lui prête beaucoup de choses, hein, au livre, hein, support de l'imagination, le livre c'est aussi de l'aventure, l'évasion. Le livre vert voulait en faire aussi un objet d'action sociale. Et c'est ce qu'on voulait faire, et c'est ce que l'on fait. On le dote aussi d'une nouvelle fonction, on en fait un objet d'action sociale. Et ça, on trouve ça intéressant qu'en 2024, un vieil objet comme le livre puisse avoir en plus de toutes ses qualités, une fonction sociale. Et ça nous semble important également. Il y a 10 ans en arrière, à peu près, on disait que le livre allait mourir parce qu'on avait l'essor des liseuses et du livre électronique. Toi, tu as vécu un peu ça, tu as vu un peu ça. Et en fait, en 2024, tu es capable de nous dire que le livre, il a encore une longue vie devant lui, non ? Ce genre de discours, c'est un peu le jour, la nuit, des oppositions un peu faciles, noir ou blanc. En fait, la réalité est beaucoup plus complexe, hein, on le sait. Moi, la tablette, je lis sur écran, hein, c'est vrai que l'article, je préfère le lire sur écran, je trouve ça plus pratique. Lorsque j'offre un livre, je n'offre pas un code qui permettra un téléchargement d'un support papier. J'offre un livre papier. Mais c'est vrai que si demain je pars faire un tour du monde et que je dois emmener quelques livres, peut-être que je partirai plutôt avec une liseuse plutôt qu'avec un sac à dos plein de livres. En fait, je pense que ce sont deux supports complémentaires. Et il suffit de voir le succès de certaines librairies, hein, et notamment à Bordeaux, hein, vous allez le samedi après-midi à la machine à lire. Bon, mais il y a des ou chez Mola, il y a des plein de lecteurs. On parlera d'ailleurs de la place du livre dans nos vies en 2030 glorieuse. Mais si tu veux bien, Nicolas, qu'on fasse une petite pause dans notre échange, parce qu'on va avoir un saut temporel là, et donc il faut s'y préparer, je pense, respirer un peu avant de s'y soumettre. Les personnes auxquelles je donne la parole en 2030 glorieuse, elles viennent toujours avec un cadeau qu'elles retrouvent justement dans leur librairie. Donc moi, j'avais un peu peur au moment de te poser cette question, te retrouver noyé parmi tes, combien tu m'as dit, 400 000 livres que vous avez dans votre collection. Mais je crois que tu as trouvé, donc qu'est-ce que tu vas nous faire comme cadeau ? Je vais vous lire un extrait, effectivement, d'un livre titulé L'enfant de Maria Montessori. Et voilà, je pense que. Alors en 2030, ceux qui naissent en 2024 auront 6 ans en 2030. Tu sais, c'est le moment de l'apprentissage de la lecture. Et je trouve important de considérer l'enfant, avec une attention toute particulière, et pour considérer l'enfant avec une attention toute particulière, il faut bien évidemment des adultes disponibles et apaisés. L'enfant n'entend jamais dire que ceci. L'adulte aime les enfants. Les maîtres aiment les enfants. Et aussi, il faut enseigner aux enfants à aimer sa mère, son père, son maître, à aimer les hommes, à aimer les animaux, les fleurs et toutes choses. Qui donc le lui enseignera ? Qui sera ce maître d'amour ? Sans doute celui qui traite de caprice toutes les manifestations de l'enfant et qui ne pense qu'à se défendre de lui. Il est évident qu'il ne pourrait être ce maître d'amour, parce qu'il n'a plus cette sensibilité, cette intelligence de l'amour. C'est, au contraire, l'enfant qu'il aime. Il désire l'adulte présent. Son délice est d'appeler son attention sur lui. « Regarde-moi, reste près de moi. » Quand il va se coucher, le soir, l'enfant appelle la personne qu'il aime et la supplie de ne pas l'abandonner. Quand nous allons à table, le tout petit enfant, celui qui est encore au biberon, voudrait venir avec nous. Restez là, tout près. Non pour manger, mais pour nous regarder. L'adulte passe à côté de cet amour mystique sans s'en apercevoir. Et ce petit être, qui nous aime, grandira et disparaîtra. Qui donc nous aimera jamais comme lui ? Qui nous appellera jamais sur le point d'aller se coucher en disant « reste » ? Plus tard, il dira, indifférent, « bonsoir, bonne nuit ». Et qui aura un pareil désir de nous regarder simplement pour nous voir, pendant que nous mangeons, tout en restant à jeun ? Nous nous défendons contre cet amour qui passera et nous n'en trouverons plus un pareil. Merci Nicolas pour cette lecture. Qu'est-ce que tu voulais nous livrer derrière ces mots de Maria Montessori ? Dans une société, idéale, il faudrait peut-être commencer par la source et faire en sorte que l'épanouissement de l'intégralité des enfants soit assuré pour pouvoir en faire des adultes totalement épanouis. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, tous les enfants soient totalement épanouis. Et c'est marrant que tu dises ça. On était là, je suis allé il y a quelques jours voir le spectacle d'un humoriste lyonnais qui s'appelle Karim Duval, qui commence à bien percer d'ailleurs. Et il livrait cette... je crois que c'est lui qui livrait cette réflexion très intéressante, justement en disant les deux mots qu'on prononce le plus auprès des enfants. Je crois que c'est lui qui livrait son expérience. Il disait, les deux mots que je prononce le plus auprès de mes enfants, c'est « attends » et « dépêche-toi ». Et il disait, mais en fait, mes enfants doivent être complètement schizo à force. Et c'est vrai, quand on y pense, entre tout ce qu'on souhaite de meilleur à nos enfants, tout ce qu'on a envie de leur transmettre, et puis la réalité de nos situations hyper tendues, hyper pressantes, parfois violentes, difficiles, polluées, etc. etc. C'est vrai que ça paraît un peu fou. Et avoir un enfant et se remettre à sa hauteur, et dans son quotidien, dans sa manière, avec ses sens d'aborder la réalité, parfois je trouve que c'est confondant. Tellement en fait ça éclaire de manière assez crue nos vies folles, nos vies intenables en fait. Oui, tout à fait, oui. Et alors, la question c'est, est-ce qu'il faut effectivement des parents, on va dire, équilibrés pour avoir des enfants équilibrés ? Alors après, il n'y a pas de déterminisme, bien évidemment, on parle aussi de résilience, mais c'est vrai que je pense que ça se joue, beaucoup de choses se jouent dès l'enfance, et dans une société, on va dire, idéalisée, il faut considérer avec une attention très particulière l'enfant, comment l'aider à grandir. Moi je pense que tous les enfants sont géniaux, ont énormément de potentiel. Et la démarche Montessori, qui laisse le temps au temps, il y a une démarche à, on va dire que l'enfant est aussi acteur. Il n'est pas enfermé dans une programmation scolaire stricte. Et parfois, ce n'est peut-être pas le bon moment pour l'enfant, et laisser le temps à l'enfant d'aborder telle ou telle chose en priorité selon mais selon le goût, ça me semble pertinent. On va faire cet exercice d'imaginer tout ce qui nous attend de glorieux, d'abondant pour demain. Je pense que ça fait partie aussi des conditions qui permettent d'avoir un équilibre dans nos vies et notamment à destination de nos enfants. En 2024, on voit bien à quel point le fait de se dire bah, demain tout est foutu, ça va aussi créer ce déséquilibre. Et donc on a besoin de se raconter des histoires, nous les animaux hyper sociaux que nous sommes. Malheureusement actuellement, nos histoires elles sont en général hyper sombres dès qu'elles sont liées à l'avenir. Je pense qu'on peut réutiliser le pouvoir de la prophétie autoréalisatrice dans notre sens en se disant, en fait, il pourrait potentiellement se passer tout ça de bien. Imaginons-le, rêvons-le, pour qu'ensuite on en fasse des caps, des boussoles pour agir dès le présent avec ambition. Et donc, on fait cet exercice en 2030 Glorieuse d'imaginer à quoi ressemblerait une société, non pas idéale, mais vraiment, quand même où on aurait senti qu'on aurait réussi plein de choses, qu'on aurait réussi à se remettre à hauteur des enjeux avec joie, avec bonheur, avec humour, avec amour. On va faire cet exercice d'imaginer cette société et encore mieux même de s'y incarner et donc de raconter notre expérience au présent dans ces 2030 glorieuses qu'on va dépeindre le temps d'une conversation d'une quinzaine de minutes, Nicolas. Donc ça implique plusieurs choses. Pour nous déjà, ça va impliquer de parler au présent de ces 2030 glorieuses. Les 2030 glorieuses, elles peuvent être en 2030. Tout à l'heure, tu disais c'est dans 6 ans, mais en fait, ça peut très bien être en 2034, 37, 38. Donc c'est à la fois dans pas très longtemps et quand même dans suffisamment de temps pour qu'il y ait des vrais changements radicaux, j'allais dire, qui adviennent. Hein. Donc, on peut ne pas se limiter dans notre ambition. Et donc, on va raconter tout ça au présent. Donc, s'il te plaît, essaie de garder derrière toi tous les conditionnels, les possibles et les peut-être. On va décréter nos 2030 glorieux. C'est vraiment le jeu d'une conversation. Et on va essayer d'être en plus le plus descriptif possible pour que toutes les personnes qui nous écoutent là et qui, elles, sont malheureusement restées coincées en 2024, normalement, à l'heure où ce podcast est diffusé, elles puissent bien imaginer, bien voir, bien sentir, presque toucher les 2030 glorieuses dans lesquelles on se retrouve le temps de cet échange à venir. Ça te va, Nicolas ? Parfait. Donc voilà, on est en 2030 glorieuses, ça y est, c'est décrété. Tu as peut-être senti la petite secousse sous tes fesses au moment où je t'annonce ça. On est en 2030 glorieuses, forcément, ces envies qui vous caractérisaient à l'époque, hein, où on avait commencé à se parler, où vous aviez lancé le livre vert, donc avec une envie de plus de solidarité, plus de décence, plus de culture aussi, avec ce livre comme un prétexte. Si jamais, toi, là, tu es, je sais pas, dans ton bureau, dans ta maison, tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Non, c'est une bonne question parce que moi, ce que je souhaite et ce qui est paradoxal, c'est que, alors moi, ce que je vois par la fenêtre, hein, bien évidemment, c'est moi, je suis à la campagne et moi, je vois du vert. Hein. je vois des arbres, bien évidemment, et je ne suis certainement pas au livre vert parce que le livre vert n'existe plus parce que bien évidemment nous vivons dans une société qui touche l'accomplissement intégral et aujourd'hui tout le monde a sa place dans notre société et l'insertion n'est plus d'actualité. Donc, je rêve bien évidemment très fort. Donc, moi, je suis à la campagne. On ne jette plus de livres en 2030 glorieuses, rassure-moi. On ne jette certainement pas de livres. Alors, une mécanique existe, mais le livre vert structure sociale n'existe plus. Bien évidemment, une mécanique, on va dire, plus environnementale qui facilite le réemploi existe toujours. Mais il ne sera plus nécessaire d'être une structure d'insertion parce que tout le monde aura trouvé sa place. Voilà, enfin, c'est pas Ouais, ce que tu dis en fait, Nicolas, c'est qu'on a mis en place tout un tas de tamis avec des grains plus ou moins fins, hein, si je pouvais le dire comme ça, qui permettent au livre en fait de passer ou pas d'ailleurs à travers les mailles du filet pour trouver son utilité. Et donc, que ce soit le livre qu'on achète et qu'on prête à droite, à gauche, et puis finalement qui nous file des mains au gré des prêts, que ce soit le livre qu'on a lu et qu'on veut garder précieusement et qu'on achète en 7 exemplaires pour les offrir, que ce soit le livre qu'on va travailler dans son club de lecture, que ce soit le livre qu'on va déposer dans une boîte à dons, que ce soit le livre qu'on va donner à la bibliothèque de son quartier, que ce soit le livre qui va aller justement jusqu'au recyclage dans une borne dédiée à la recyclerie de son village. On a aujourd'hui plein de maillage, de routes différentes pour que le livre y trouve toujours sa bonne place, c'est ça? Oui, toutes les initiatives autour du livre sont top, hein, effectivement, comme tu le disais, les boîtes à lire ou à livre fleurissent dans les villes, et c'est tant mieux, et ce qui permet au lecteur d'arbitrer, hein, qu'est-ce que je fais de mon livre, j'en ai plus l'usage, qu'est-ce que je peux en faire, je peux le donner au livre vert, B, je peux le donner à un ami, C, le proposer éventuellement à une bibliothèque, D, le laisser sur un banc. Le fameux book crossing, hein, c'est ça? Exactement, toutes les initiatives sont autour du livre sont positives. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas ça qui a permis, tu te souviens, tu me disais qu'à l'époque, il y a une quinzaine d'années en arrière, il y avait des gens qui avaient une sorte de trauma vis-à-vis du livre, souvent lié à l'éducation, au parcours scolaire. Est-ce que ce n'est pas ça, du coup, tous ces prétextes, tous ces angles d'attaque qui nous ont permis justement en 2030 Glorieuse de créer des relations joyeuses vis-à-vis du livre, en fait, pour tous et pour toutes? Oui, alors on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, hein, le rapport à l'enseignement. Alors, étrangement, tu l'as peut-être remarqué, les enfants, les petits-enfants, les très jeunes, adorent le livre. Ils veulent lire. J'ai une petite fille qui réclame des histoires, encore une histoire. Et en grandissant, parfois, le rapport au livre change, évolue, et le livre est plutôt associé à la contrainte, parfois via l'école, où effectivement, oh là là, je dois lire jusqu'à, enfin, le troisième chapitre de tel livre. Et alors, bien heureusement, il n'y a pas de déterminisme, hein, le goût du livre revient après, mais après, oui, il y a peut-être un rapport du livre au livre à travailler, peut-être au sein de l'enseignement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Le livre peut être une contrainte. Nous, tu sais, en France, on a réussi à faire du livre, je te parle d'il y a une dizaine d'années en arrière, mais cet objet, en fait, de... Presque hautain, hein. Je pense à la blanche, comme on l'appelle, la collection blanche de Gallimard, qui paraissait si lourde dans les mains, tellement on avait l'impression d'hériter de tout le poids du savoir et du génie de nos anciens. Et donc, ça a aussi rendu un peu nos étagères, nos bibliothèques et aussi certaines librairies assez austères, assez tristes. Alors que je me rappelle très bien à l'époque, quand on rentrait soit directement dans la librairie de son quartier, dans la section livres étrangers, soit quand on avait la chance de voyager, d'aller dans les bibliothèques, dans les librairies étrangères, de voir tellement plus de couleurs, ça rendait l'objet tellement plus accessible, tellement plus joyeux. Et donc, du coup, on a fait beaucoup de travail ces derniers temps, nous en France, pour recréer cette accessibilité. Tout d'abord, c'est vrai, par des couvertures beaucoup plus sexy, pour le dire comme ça. Oui, alors tu as tout à fait raison. Et effectivement, il y a un gros travail éditorial qui a été opéré. Effectivement, des livres aujourd'hui paraissent beaucoup plus sexy. Et d'autres demeurent, comme les éditions blanches, effectivement, de chez Gallimard, peuvent, je comprends que ça puisse paraître impressionnant. On est d'accord. Après, outre l'esthétique du livre, Je pense que ce sont les pages imprimées qui impressionnent beaucoup aussi. Hein, lorsqu'on feuillette, voilà, un gros pavé, et il y a que des mots composés de lettres et sans images, sans couleurs. Le livre peut demeurer quand même aujourd'hui très très impressionnant. Et c'est pour ça que ces 10 dernières années, le roman graphique a énormément aidé. Hein. On a vu un vrai essor du roman graphique et on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas toi-même qui disais le jour ou la nuit, tout noir ou tout blanc, et qu'on n'avait pas la BD pour les simplets et le roman pour les intellectuels, et qu'en fait, dans certains romans graphiques, on était capable de développer des idées complexes, de faire passer des émotions profondes, d'avoir des vraies enquêtes de terrain qui permettaient de faire évoluer les réflexions de la société. Et donc, à tout moment de nos vies, on peut aller soit d'un côté d'un manga rafraîchissant et qui permet de passer un bon moment, à une enquête signée par un journaliste renommé à travers une BD, puis ensuite une collection de petites nouvelles très bien jouées, humoristiques, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, livre avec image ou livre sans image, livre avec beaucoup de mots ou livre avec pas beaucoup de mots, en fait, ça a plus de raison d'être aussi intimidant qu'à l'époque. Oui, tout à fait, oui. Et il y a aujourd'hui, même d'ailleurs, tu les as peut-être croisés, et je pense aux livres pour enfants, des livres sur lesquels on peut écrire. On est même invité à écrire dessus. Il faut les compléter. Ce sont des enquêtes. Il y a des gommettes. Et donc là, il faut coller des gommettes au bon endroit. Et on s'aperçoit effectivement que le livre a cette capacité à se repenser, à s'adapter et à être force de proposition aussi et d'innovation pour justement satisfaire, on va dire, le plus grand nombre et peut-être se rendre peut-être moins élitiste et plus populaire. Et puis aussi, tu te souviens peut-être, il y a 10 ans en arrière, le livre et notamment sa fabrication et puis sa mort aussi étaient cachés. Ce qui rendait aussi au livre un côté un peu mystique, un peu mystérieux. On ne savait pas comment c'était fait, on n'imaginait pas comment un livre était fait. Et puis on ne savait pas s'ils allaient mourir quelque part, les livres. On n'imaginait pas le pilon, nous lecteurs, et ce que ça représentait. Et donc dans la reterritorialisation qu'on a vue ces dernières années, on a aussi fait ce travail de rapprocher du lecteur les imprimantes, parce que on a aujourd'hui des impressions qui sont beaucoup plus, j'allais dire, pesées, millimétrées. On arrête d'imprimer comme ça, dans un seul et même endroit, des milliers de livres. On imprime presque, j'allais dire, au plus près du lecteur, et donc on a des impressions de quartier. On a même, aujourd'hui, il y a des artisans qui ont ressorti les vieilles imprimantes rotatives pour avoir le côté beaucoup plus artisanal de certains livres qui sont imprimés en quelques exemplaires à peine. On fait aussi le travail avec les enfants de leur faire produire de A à Z à l'école, hein, un livre ou un roman graphique qu'ils auraient eux-mêmes créé. Donc on a démystifié un peu tout ce qui était caché jusqu'à présent. Oui, non, mais tu as une fois de plus raison. Après, c'est vrai que le livre garde quand même un statut assez assez particulier. Hein. C'est vraiment un objet que les gens ne jettent jamais. Jamais un livre se retrouve dans une poubelle. Les gens préfèrent encore les mettre dans des cartons, les mettre dans une cave, même si elle est un peu humide, ou dans un grenier. On sent bien que c'est un objet, quand même, un objet très particulier qui est presque sacré. Et même si on collecte nous des livres en déchetterie, je ne pense pas que les gens jettent leurs livres à la poubelle. Ils préfèrent, oui. Nous parfois on collecte, on récupère des cartons de livres qui sont mangés par l'humidité, qui sont cuits, qui sont inutilisables, et ça démontre bien, hein, que voilà, non, on ne le jette pas, j'ai trouvé une place particulière. C'est quand même un objet ô combien particulier. Et c'est vrai qu'il est encore source de curiosité et de fascination. D'ailleurs, quand on a commencé ce voyage, Nicolas, en 2030 Glorieuse, tu disais que le livre vert était mort. Quels sont, les héritages, les traces du livre vert? J'imagine bien que le livre vert, il a fait des petits dans les années 2020 avec plein de livres verts un peu partout. Et puis ensuite, est-ce que ça a été repris par le national, par le public? Est-ce que, en fait, c'est les citoyens qui se sont puissantés de vos mécanismes pour les normaliser complètement dans leur mode de vie? Raconte-moi un peu cette passation de toutes les compétences, de toutes vos trouvailles, de tout ce que vous avez fait de vertueux ces dernières années. La mécanique demeure, mais l'objet social, effectivement, dans une société est équilibrée où tout le monde a sa place, où il n'y a plus la nécessité d'insérer socialement des personnes n'existe plus. L'objet social, donc, du livre vert n'existe plus. Donc l'insertion n'existe plus, puisque tout le monde a sa place. Et ça, c'est le... C'est aussi le choix d'être un acteur de la transition. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on se dit acteur de la transition, c'est qu'on souhaite tous arriver au sommet de quelque chose. Et donc les mécaniques mises en place forcément disparaîtront. Mais ça veut dire quoi? Parce que moi, j'imagine toujours une société quand même qui, même en 2030 glorieuse, a quand même des déséquilibres de fait. Et donc, je me pose la question de me dire, les 2030 glorieuses qu'on dessine ensemble, est-ce qu'en fait, on aurait, par exemple, tu sais, il y a une dizaine d'années en arrière, c'était l'expérimentation des territoires zéro chômeur longue durée qui a été lancée. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, tiens, en fait, ça a été normalisé, pérennisé. Et donc, parmi les entreprises qui sont soutenues, voire créées, pour justement permettre à tous ceux qui, à un moment ou un autre, de fait, même dans une société saine, se retrouvent un peu en bord de route, un peu éloignés, auraient l'accès à ces lieux de repos, à ces lieux de remise en forme professionnelle presque, comme des lieux de revalorisation du livre, par exemple? Oui, pourquoi pas? Après, tout est possible. Après, un acteur de la... Lorsqu'on travaille pour une transition, c'est qu'on part d'un point A pour aller à un point C. Donc la transition, on est au milieu, on est à B. Bien évidemment, si on arrive à C, le A et le B sont passés. Lorsqu'on est acteur de la transition, il faut bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que une fois qu'on a atteint notre but, une fois qu'on a atteint notre but, il faut savoir se transformer. Donc, vous avez consolidé l'expérience, vous en avez fait un livre blanc, vous avez ouvert le modèle en licence libre et aujourd'hui, tout le monde peut venir copier dans votre expérience, le territorialiser chez soi et puis, en fait, le faire tourner non pas dans comme une expérimentation de quelque chose qui pourrait marcher, mais au contraire, une normalité qui permet de continuer à faire vivre tous ces livres qui nous entourent. Après, c'est effectivement une mécanique qui existe partout et pour tous, effectivement. Et qui existera toujours, d'une certaine manière, tant que les livres seront là, la mécanique existera. Bien sûr. Après, c'est une vision un peu organiciste. Hein. C'est comme un organe, comme si, notre territoire. Était un corps complexe et le livre vert n'est qu'un petit organe spécialisé et n'a pas d'autres prétentions que d'être un petit organe spécialisé. Pas de prétention exorbitante au livre vert. Hein. De faire ce que l'on sait faire et pour permettre de sécuriser par l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Point. Et après, effectivement, on permet également l'accessibilité de la culture à des prix, somme toute, parfois anecdotiques. Les livres revendus sont peu chers. D'un point de vue culturel aussi, hein, les impacts culturels sont importants. Hein, on redonne du livre, et le livre vert donne également du livre, hein, des structures associatives, locales, engagées, hein, dans l'alphabétisation, dans le soutien scolaire. On répond à des demandes spécifiques. Voilà, on n'a pas... Voilà, aucun autre intérêt autre que politique que de faire ce que l'on fait. La grande question que tout le monde se pose du coup là, Nicolas, c'est mais qu'est-ce qu'il fait de son temps maintenant, ce Nicolas, vu que le livre vert n'existe plus, de quoi tu... Ouais, comment tu occupes ton temps en 2030 Glorieuse? Ben, on parlait de disponibilité pour les enfants. Donc on se focalise sur soi, sur sa famille, sur les gens qu'on aime, bien évidemment, et on cultive son jardin. Si jamais on devait revenir là en 2024, Nicolas, et que petit à petit, bah voilà, pour toutes ces personnes amoureuses, amoureux du livre comme nous, là, qui se disent, mais en fait, moi, j'ai envie de voir advenir ce monde où le livre aurait encore plus retrouvé sa place et serait un prétexte à tous ces liens, à toutes ces rencontres, et qu'on devait leur donner peut-être une action supplémentaire pour les concrétiser sans attendre ces 2030 glorieuses. Qu'est-ce que tu leur recommanderais, à part de faire du tri dans leur bibliothèque, et si jamais ce sont des personnes qui sont proches de chez vous, d'aller donner au livre vert, si le livre vert n'est pas dans le coin, de se rapprocher de son association qui revalorise des livres, parce qu'il y en a quand même assez souvent une. Qu'est-ce que tu leur proposerais comme action supplémentaire? De parler du livre vert, de parler à... Et on s'est aperçu que le bouche à oreille marchait à plein, hein, pour le livre vert. On communique très très peu parce qu'on n'en a pas forcément les moyens. C'est pas une priorité. Peut-être c'est peut-être d'ailleurs une erreur. Et on s'aperçoit que des gens, effectivement, des donneurs de livres sont très contents de contribuer à notre petite mécanique. En fait, ce que tu dis, c'est vous n'avez pas des clients, vous avez une communauté, vous avez pas des ambassadeurs, en fait. C'est beaucoup mieux formulé, effectivement. C'est exactement cela. On a peu de clients. On a peu de clients, mais beaucoup d'ambassadeurs. Et effectivement, c'est important pour nous que les gens participent et diffusent notre existence auprès de gens qui ne nous connaissent pas. Merci Nicolas. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !